on reste en marge dans ce monde. On reste en marge dans ce monde. On reste en marge dans ce monde. On se sent différent des autres dans ce monde. Entouré de fous, de faux culs et de cons à eux. Et dans nos crânes, un seul refrain, ça nous répète. On reste en marge dans ce monde. On se sent différent des autres dans ce monde. Entouré de fous, de faux culs et de cons à eux. Et dans nos crânes, un seul refrain, ça nous répète. Venu extraire ma plume de son enclume. Si on me l'enlève, c'est comme un bras qu'on m'ampute. J'ai attrapé le stylo, non pas pour la thune, pour faire la une, mais pour soigner mes mots. Du moins essayer, mais les erreurs, personne ne peut les effacer. J'ai tellement écrit que la plume est usée, abusée. Génération désabusée. À cette heure où tout le monde dort, moi je gratte le papier. Je veux grimper les paliers différemment, car la mode et moi ne sommes pas alliés. Le showbiz ne m'en parle pas, j'ai jamais rêvé d'y aller. Moi c'est entre ce monde et la sagesse que je suis tiraillé. Je fais mon peur et je m'en tape que tu vas y tester. Si je perce pas, je vais pas me sentir lésé ni laissé. Côté, ils sont dans leur monde et moi à côté. Mon son, tout ce qu'il peut apporter est intérieur, je leur connais. La plume est posée, parfaite pour danser ni l'assembler. Je suis en voyage dans mes pensées tellement que parfois je me perds au réel. Faut que je reste accroché. On reste en marge dans ce monde parce que on se sent différent des autres dans ce monde. Casse-tête, entouré de fous, de faux culs et de cons à eux. Casse-tête, et dans nos crânes un seul refrain ça nous répète. Casse-toi. On reste en marge dans ce monde parce que on se sent différent des autres dans ce monde. Casse-tête, entouré de fous, de faux culs et de cons à eux. Casse-tête, et dans nos crânes un seul refrain ça nous répète. Casse-toi. Suis-je fou ou bien ne le suis-je pas? Le berger m'a dit viens là. Non, je ne te suis pas parce que ma vie c'est la mienne. Qu'est-ce que ça peut te foutre si je m'auto-détruis? Vite un tuba parce que je me noie dans les vagues de ma déprime. Regarde-moi, c'est triste en apparence. Le monde va trop vite, non je tiens pas la cadence. Alors on danse, c'est ce que nous dit Stromae. Si tout va mal, moi je fais le rapprochement entre mes veines et un rasoir jetable. Parce que je ne comprends pas tous ces gens qui m'entourent. Ni ce monde dans lequel je vis. Je mate les autres et moi. On n'a pas les mêmes poteries depuis tout petit. Je marche droit, avec le temps je deviens froid et méfiant de toutes ces personnes qui ont le cœur en ciment. En marge, parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. J'ai mis certaines personnes sur piédestal. En vérité, au final je me suis fait baiser. Trop beau, trop con comme d'hab. L'ai-je mérité? Je vais finir comme Ara dans le coin comme Fab. On reste en marge dans ce monde parce que on se sent différent des autres dans ce monde. Casse-tête, entouré de fous, de faux culs et de cons à eux. Casse-tête, et dans nos crânes un seul refrain ça nous répète. Casse-toi. On reste en marge dans ce monde parce que on se sent différent des autres dans ce monde. Casse-tête, entouré de fous, de faux culs et de cons à eux. Casse-tête, et dans nos crânes un seul refrain ça nous répète. Casse-toi. Je me sens en marge depuis que j'ai compris que le monde est fou, que l'homme est mauvais dans le fond, à fond sous la roue du flou. Ici faut flamber avant de toucher le ciel qui t'a tombé. Influencé par le mal, certains perdent les pédales. Je me sens en marge depuis que j'ai compris que le monde est fou, que l'homme est mauvais dans le fond, à fond sur la roue du flou. Ici faut flamber avant de toucher le ciel qui t'a trompé. Influencé par le mal, certains perdent les pédales. En marge, je m'y suis mis tout seul comme un grand. La vie d'avant d'enfant dans mes pensées font que je suis souvent à cran. En marge, je plane à 5000 au-dessus des gens. La plume est élégante, le message plus important que vouloir rentrer dans la légende. En marge, parce que trop souvent déçu, rarement debout. Je passe mon temps sur le cul ou à genoux. En marge, solitaire parmi vous tous, le futur me crame la rétine. J'ai le ventre vite mais plus d'appétit. On reste en marge dans ce monde parce que on se sent différent des autres dans ce monde. Casse-tête, entouré de fous, de faux culs et de cons à eux. Casse-tête, et dans nos crânes un seul refrain ça nous répète. Casse-toi. On reste en marge dans ce monde parce que on se sent différent des autres dans ce monde. Casse-tête, entouré de fous, de faux culs et de cons à eux. Casse-tête, et dans nos crânes un seul refrain ça nous répète. Casse-toi. On reste en marge dans ce monde. On se sent différent des autres dans ce monde. Entouré de fous, de faux culs et de cons à eux. Et dans nos crânes un seul refrain ça nous répète. On reste en marge dans ce monde. On se sent différent des autres dans ce monde. Entouré de fous, de faux culs et de cons à eux. Et dans nos crânes un seul refrain ça nous répète. On reste en marge dans ce monde. On reste en marge dans ce monde.